Chapitre 26e. Tous les invités du marquis n'avaient pas quitté Chalençon le soir même de la fête si malencontreusement interrompue par l'étrange plaisanterie de Madame de Lucilière. Tandis que le plus grand nombre regagnait Paris ou les villages environnants, quelques-uns étaient restés au château et parmi ceux-ci se trouvaient le colonel, le baron Lazarus et sa fille, le prince de Kranitz, le prince Mazzazzoli, la comtesse Belmonte et Carmelita, qui devaient passer plusieurs jours à la campagne. C'était là une circonstance favorable pour le prince Mazzazzoli, qui pouvait ainsi, avec toute facilité, se livrer à des recherches et en même temps entretenir à loisir le baron Lazarus. Comme s'ils s'étaient entendus pour former une étroite alliance, ils ne se quittaient pour ainsi dire pas, et aussitôt qu'ils en avaient la possibilité, ils se rapprochaient l'un de l'autre. Le plus souvent, c'était pour s'occuper de choses insignifiantes, mais parfois aussi pour traiter d'un mot décisif le sujet qui les intéressait tous deux. Ce que le prince avait tout d'abord cherché, savait être de voir ou de deviner quels étaient les sentiments du marquis de Lucilière pour le baron Lazarus. Car de ce que celui-ci avait invité à Chalençon, il n'y avait rien à conclure. Le marquis était trop fin pour laisser ostensiblement à l'écart quelqu'un avec qui il aurait voulu rompre. Malgré tout le soin qu'il avait apporté à son observation, il n'avait rien découvert. Le marquis était pour le baron ce qu'il avait toujours été, d'une affabilité exquise. Il fallait être prévenu pour savoir que cette affabilité était voulue, tant elle paraissait naturelle et spontanée. Au reste, le baron rendait en témoignage affectueux prodigué au marquis ce que celui-ci lui donnait en politesse. Pour tout le monde, ils étaient les meilleurs amis. Qu'avait-il sous ces démonstrations d'amitié? Ce fut ce que le prince ne put pas découvrir, au moins à l'égard du marquis. Car pour le baron, il savait à quoi s'en tenir, et celui-ci d'ailleurs prenait soin de l'avertir plusieurs fois par jour de ses véritables sentiments. Ce fut ainsi que deux jours après cette mémorable soirée du serpent, il lui fit une confidence qui montrait que depuis son arrivée à Chalençon, il n'avait pas perdu son temps. « N'avez-vous pas remarqué, dit-il, qu'il règne une certaine froideur dans les rapports du marquis et du colonel ?»« Oui, sans doute. Mais j'ai remarqué en même temps que tous deux apportaient un soin extrême à cacher cette froideur, et je ne l'ai deviné que par les précautions mêmes qu'il prenait pour les dissimuler. Cela va mal. Est-ce que la lettre commence à produire un certain effet? Oh, pas du tout. Ce n'est pas le marquis qui est mal avec le colonel, c'est le colonel qui est fâché contre le marquis. Vraiment, positivement. Il est jaloux? Peut-être. Mais en tout cas, ce n'est pas du marquis. Alors je ne comprends pas du tout. Le baron se mit à rire d'une façon narquoise en homme qui prend plaisir à affirmer sa supériorité. « Je ne veux pas vous faire languir, dit-il enfin, et je vais vous conter ce que je sais. Qu'avez-vous fait dimanche, pendant que la marquise nous chantait son serpent? J'ai écouté et j'ai regardé. Moi, je n'ai ni écouté ni regardé, au moins ce qui se passait dans le salon. Justement, parce que j'ai la passion de la musique, j'ai horreur de ces inepties parisiennes. Comment une femme intelligente et charmante peut-elle en arriver à s'amuser à de pareilles folies? Comment des gens distingués peuvent-ils prendre plaisir à un pareil spectacle? C'est ce que je me demande. Mais enfin, ce n'est pas de cela qu'il est question pour le moment. Je vous disais donc que pendant que vous applaudissiez cette insanité, je me promenais dans le parc avec Monsieur de Vibray, qui me racontait des choses fort intéressantes sur l'association du marquis et du colonel. Le colonel trouve qu'elle lui coûte bien cher. Au contraire, il trouve qu'elle lui rapporte trop. Ça, c'est une face nouvelle de la question, et je ne l'avais pas considérée de ce côté. Vous m'étonnez. Connaissez-vous les choses du sport? Peu. Moi, très peu aussi. De sorte que je dois vous expliquer fort mal ce que M. de Vibray m'a expliqué fort bien. Les détails importent peu. Au reste, si je ne suis pas clair, vous n'aurez qu'à interroger un de nos amis qui fasse courir. Il nous renseignera, car tout le monde s'occupe de cette affaire en ce moment. Il paraît que le marquis a dans son écurie un cheval nommé Voltigeur, déclaré par lui poulain de 2 ans, alors qu'en réalité il a 3 ans. Mais c'est impossible. Votre interruption est précisément celle que j'ai faite à M. de Vibray. Mais celui-ci a haussé les épaules et m'a donné des explications qui semblent démontrer que cela est possible pour un propriétaire de chevaux de course, qui est possesseur d'un haras, c'est-à-dire de juments et d'étalons, ce qui est le cas du marquis. Justement. Pour ce propriétaire, les formalités exigées par l'administration ou par la société d'encouragement sont rudimentaires. Elles veulent seulement que ce propriétaire dresse un état des poulains nés chez lui et que cet état soit signé par le directeur du dépôt le plus voisin et par l'inspecteur divisionnaire. Ces deux signatures, paraît-il, se donnent le plus souvent pour la forme. Il me semble que, pour quelqu'un qui n'entend rien aux choses du sport, voilà des détails précis. Ils sont de M. de Vibray. Je les ai retenus tant bien que mal. Si vous avez pu les comprendre, vous devez donc voir que pour un propriétaire qui veut exécuter une supercherie, rien n'est plus facile. Il n'a qu'à ne pas inscrire la naissance d'un poulain sur son état et à déclarer vide la jument mère de ce poulain. L'année suivante, il déclare son poulain et celui-ci figure sur les états officiels comme âgé d'un an quand en réalité il est âgé de 2 ans. Il paraîtrait que c'est là le cas de Voltigeur, qui aurait été déclaré en 1866, alors qu'il aurait dû l'être en 1865. Ainsi, Voltigeur, âgé en réalité de 3 ans, courrait avec des chevaux de 2 ans. C'est ce qui vous explique qu'il les batte si facilement dans toutes les rencontres. D'autant mieux que pour cette supercherie, le marquis a choisi celui de tous ses poulains qui, par sa naissance, devait être le meilleur. Vous voyez donc que ce qui d'abord vous paraissait impossible est pratiquement possible. Maintenant, est-il possible que moralement le marquis se soit rendu coupable d'une pareille fraude? Assurément non. C'est ce que je pense aussi, mais ce que nous pensons l'un et l'autre ne fait pas l'opinion des intéressés et des gens compétents. Or, il paraît que parmi ces gens, l'opinion généralement admise est pour la fraude. De là, des plaintes et des récriminations qui sont parvenues aux oreilles du colonel. Mais cela est affreux pour lui, car il se trouve ainsi, par son association avec le marquis, complice de cette fraude, et il est obligé d'empocher un argent qu'il s'est mal gagné. On raconte qu'il a eu à ce sujet une explication plus que vive avec le marquis, mais que voulez-vous qu'il fasse? Qu'il rompe son association. C'est en même temps rompre sa liaison. Sa situation me paraît dramatique. D'un côté, sa probité et sa loyauté lui font une loi de rompre. De l'autre, son amour l'oblige à gagner de l'argent malgré lui. Est-ce qu'il parie pour Voltigeur? Ah non! Et c'est même cela qui a confirmé les soupçons. D'ordinaire, il pariait d'assez grosses sommes pour ses chevaux. Depuis que ces bruits sont parvenus à ses oreilles, il refuse absolument tous les paris. Cela est significatif. On dit même que le marquis lui a fait des observations à ce sujet et que c'est là ce qui a amené cette explication dont je vous parlais. Et le résultat de cette explication? Aucun résultat. Les liens qui attachent le colonel à la marquise sont trop puissants pour se briser ainsi. D'abord, il y a la séduction personnelle de Madame de Lucilière, qui, j'en conviens, est puissante, et puis il y a ce charme irrésistible qui résulte de sa position de femme à la mode. Songez donc, marquise et reine du High Life, quel attrait pour un Américain! Tous ces républicains sont affolés de titres et de distinctions, et bien qu'à moitié français, le colonel subit ce prestige, comme s'il était un pur Yankee. Enfin, et quoi qu'il en puisse être, on ne voit rien d'apparent qui puisse annoncer une rupture. Je suis convaincu que le colonel se désole, mais en même temps il se résigne. Il faudrait un éclat, précisément. Un scandale, juste. Mais ce scandale ne peut être amené que par quelqu'un qui fait ordinairement des paris sur les courses. Il me semble que quelqu'un qui aurait engagé de grosses sommes sur Voltigeur et qui naturellement les aurait perdues pourrait aller trouver le colonel et lui représenter que ces paris n'avaient été engagés que parce qu'on comptait sur sa loyauté bien connue. Que dirait-il? Que fera-t-il? Évidemment, il se trouverait dans une situation embarrassante, terrible pour lui, et qui pourrait le forcer à sortir de cette galère. Ce quelqu'un se rencontrera-t-il? Vous êtes mieux au courant des hommes et des choses du sport que moi, et par conséquent, vous pouvez mieux que moi répondre à cette question. Ils en restèrent là, pour ce jour-là. Mais le prince sentit très bien que si le baron lui avait fait cette confidence, c'était en vue d'en tirer un résultat, et qu'à un moment donné, de confidence en confidence, ils arriveraient à une conclusion. Il n'y avait qu'à attendre. L'affaire était en bon chemin, on pouvait espérer. S'il avait connu la vérité entière, il eût pu espérer bien mieux encore. En effet, le baron avait été bien enseigné. Son récit était exact, mais il n'était pas complet, en ce sens qu'il ne donnait pas de détails sur l'explication qui avait eu lieu entre le colonel et le marquis. Pendant assez longtemps, le colonel était resté sans comprendre les allusions plus ou moins directes qu'on lui adressait à propos du voltigeur et les mots à double sens qu'il entendait à ce sujet. Puis, l'inquiétude lui était venue. Que signifiaient ces allusions? Pourquoi ces plaintes de ceux qui avaient perdu leur argent? Pourquoi ces sourires des indifférents? Assurément, il se passait quelque chose d'étrange, mais quoi? Avec un homme tel que le marquis, il avait tout à craindre. Quelle combinaison avait-il inventée? Et pour la première fois, il avait senti dans toute leur étendue les dangers de cette association. Jusqu'où ne pouvait-il pas être entraîné, sans avoir conscience du chemin qu'on lui faisait parcourir? Cette situation était effrayante. Qui croirait jamais qu'il ignorait les façons de procéder de son associé? Et quand même rendre justice à son ignorance, sa responsabilité n'en était pas moins engagée. Il partageait l'argent que le marquis gagnait, il devait donc partager aussi le bon comme le mauvais. Plusieurs fois, il avait voulu pousser à bout ceux qui semblaient critiquer les victoires de Voltigeur. Mais toujours on s'était dérobé, et il n'avait trouvé personne pour lui répondre franchement et formuler en face une accusation directe ou un fait précis. « Vous avez trop de chance, mon cher colonel. Ce n'est pas contre vous qu'on se dépite, c'est contre votre veine. » Telles avaient été ou à peu près les réponses qu'il avait pu obtenir. Alors il s'était adressé à son ami Gaston de Pompéran. Mais celui-ci s'était tout d'abord vivement défendu. Il ne savait rien, il n'avait rien entendu. Il avait fallu que le colonel insistât en lui représentant qu'il croyait son honneur engagé, et que dans ces conditions un ami véritable ne pouvait pas se refuser à la sincérité, si désagréable qu'elle pût être. Alors Gaston de Pompéran avait dû confesser la vérité et rapporter les bruits qui couraient sur Voltigeur. Le colonel l'avait été atterré. Et quoi? C'était là, ce qui se cachait sous ses allusions? Était-ce possible? Et il avait interrogé Gaston sur ce point. Car bien que copropriétaire d'une écurie de course, il connaissait assez mal les règlements qui régissent les chevaux de pur sang en France. Les explications de Gaston avaient été à peu près les mêmes que celles que M. de Vibray avait données au baron Lazarus. Matériellement, cette fraude était possible pour un propriétaire qui voulait la commettre. Mais le marquis de Lucilière était-il capable de combiner et d'exécuter une pareille supercherie? C'était ce que Gaston se refusait à croire et ce qu'il avait toujours nié, alors même que Voltigeur lui avait fait perdre de l'argent. Il y avait là des accusations formulées par l'envie de concurrents malheureux, ou par le dépit de parieurs battus. Il avait ainsi plus ou moins habilement plaidé les circonstances atténuantes. Mais de son plaidoyer, il était résulté un fait évident pour le colonel. Ces accusations n'avaient pris de l'importance que parce qu'elles s'adressaient au marquis de Lucilière. On croyait à cette fraude parce qu'on admettait que le marquis était capable de la commettre. C'était là ce qu'il y avait de grave et de terrible pour lui, car il pensait justement à l'égard du marquis de la même façon que ceux qui l'accusaient. Et cet homme était son associé. C'était lui qui dirigeait tout, qui faisait tout. Il n'y avait qu'à le suivre et sans jamais savoir par où il lui convenait de passer, par les sentiers détournés ou par le droit chemin. Ainsi renseigné et fixé, le colonel s'était franchement expliqué avec le marquis en lui faisant part des accusations formulées contre Voltigeur. « Croyez-vous donc que je ne savais pas tout cela ?» répondit M. de Lucilière en riant. « Vous le saviez, sans doute. Et vous n'avez rien fait. Que voulez-vous que je fasse? Avez-vous autre chose que le dédain à opposer à ces calomnies, qui ont pris naissance dans le cœur fielleux de quelques-uns de nos concurrents? Mais pourquoi faire courir Voltigeur? Parce qu'il a des engagements. Que diraient ceux qui ont fait des paris d'après ces engagements si tout à coup, sans raison sérieuse, je retirais Voltigeur et déclarais forfait dans tous ces engagements? Ne voyez-vous pas que ce serait leur faire perdre leur argent d'une façon peu délicate? Nos chevaux ne sont pas seulement à nous, ils sont en cours jusqu'à un certain point au public. Je sais que ces principes ne sont pas partagés par tous les propriétaires, qui croient être maîtres absolus de leurs chevaux, mais ils sont les miens, et je dois les observer. Vous devez donc comprendre que je ne peux pas ne pas faire courir Voltigeur. D'ailleurs, pourquoi perdre bénévolement un argent que nous pouvons gagner? Ce serait véritablement agir avec un peu trop de naïveté. Ce serait donner satisfaction à quoi? Ou plus justement à qui? À ceux qui ont inventé ces bruits. De sorte que quand on voudrait se débarrasser d'un cheval appartenant à une écurie rivale, il y aurait tout simplement à colporter une calomnie de ce genre. Et puis ne voyez-vous pas que retirer Voltigeur du turf, ce serait passer condamnation? Que dirait-on? Une seule chose, ils ont eu peur, ils ont fait disparaître leur cheval. Puis-je passer condamnation? Puis-je m'exposer à paraître avoir peur dans une affaire aussi simple, aussi nette que celle-ci? Car vous êtes bien convaincu, n'est-ce pas, que la naissance de Voltigeur est pleinement régulière? Le colonel fut obligé de répondre qu'il avait cette conviction, Cependant, il persista dans son idée de ne pas faire courir Voltigeur. « Permettez-moi de vous dire, répliqua le marquis, que ce serait tout simplement absurde et que pour mon compte, je n'y consentirais pas. Je ne me retire jamais devant ce qui ressemble à une pression, d'où qu'elle vienne. Dieu merci, je suis par mon nom et par ma position placé au-dessus des calomnies dont je me soucie comme de cela. » Et il fit claquer son ongle entre ses dents. Ce mot, le colonel l'avait déjà entendu. Ce geste, il l'avait déjà vu dans une circonstance qui n'était pas sortie de sa mémoire. Quel fâcheux rapprochement! Mais le marquis ne lui donna pas le temps de se perdre dans ses souvenirs. « Permettez-moi aussi, dit-il, de vous faire observer que vous êtes beaucoup trop sensible aux propos du monde. Où irait-on, si l'on prêtait l'oreille à toutes les calomnies que répandent la malignité de nos ennemis et parfois la jalousie de nos amis? Ainsi, qu'auriez-vous fait, étant à ma place, si l'on vous avait apporté un jour une lettre anonyme disant que tous les soirs la marquise de Lucilière s'introduisait chez le colonel Chamberlain par une petite porte de la rue de Valois? » Le colonel fut si rudement atteint par ces quelques mots dits légèrement et presque gaiement, en plaisantant, qu'il resta abasourdi, sans rien trouver à répondre. « Auriez-vous ajouté foi à cette lettre ? » continua le marquis. « Auriez-vous organisé une surveillance pour surprendre la marquise ? Auriez-vous rompu toute relation avec le colonel Chamberlain ? Non, n'est-ce pas ? Vous n'auriez rien fait de tout cela. Vous auriez dédaigné ces calomnies, comme je les ai dédaignées moi-même. Eh bien, mon cher ami, je vous engage à agir à propos des bruits répandus sur Voltigeur, comme j'ai agi moi-même, à propos de ceux répandus sur la petite porte de la rue de Valois. Les uns ne sont pas plus fondés que les autres, ou plutôt, si vous aimez mieux, ils se valent. Et à cela, il n'y a rien d'étonnant, car pour moi, ils viennent d'une seule et même source, et ils sont inspirés en vue d'un seul et même résultat, on veut nous séparer. Je vous ai dit ce que j'ai fait, à vous de voir, mon cher ami, ce que vous voulez faire. » L'entretien avait été clos sur ce mot, qui était loin d'améliorer la position du colonel. Au contraire, combien sérieusement l'aggravait-il ? Les explications du marquis n'avaient nullement éclairé la question du cheval de 3 ans, et les doutes que le colonel avait étaient restés entiers, plutôt fortifiés qu'ébranlés. Quant à la révélation de la lettre anonyme, elle était accablante. Dans ces conditions, que faire? Un seul parti se présentait pour lui, rompre sa liaison avec la marquise, rompre son association avec le marquis. Mais si l'association était facile à rompre, combien difficile était la liaison? Il l'aimait. Il l'adorait, cette adorable marquise, et chaque jour, les racines que cette passion avait jetées en lui étaient devenues plus nombreuses et plus fortes. Maintenant, il n'y avait pas une fibre de son être qui, par un point quelconque, ne fût attachée, soudée à elle. Comment les arracher, ces racines? Comment les briser, ces fibres? Et cependant, il le fallait. L'honneur l'exigeait.